c'est l'été. Sors le barbecue, les chicks, pis les ribs, steak. On garde le rythme en autant que le beat break. Le 21 juin, j'baise la fille de mon patron. J'ai été libre, j'me suis fait crisser dehors à coups de bâton. Sauterai ta maison, colle le BS. Les droits croisés pour m'quête une TS. Au corps de DS, on rocks les Bermudas. Puis les chemises hawaïennes, on bouge le crowd comme du poivre de Cayenne. En moyenne, 2 litres de sangria par estomac. Amène, qu'est-ce tu veux, on boira qu'est-ce t'auras. En autant que les bikinis soient tight, puis que les jeux prestent au rôle plaisir. C'est quand l'eau frappe les camisoles blanches. Lève le beat américain pour que les culs se déhanchent. Sans chauffe, j'fais plus mes factures. Fort probable qu'ils drôme des branches. D'avoir échaud ma bière, voir que ça me dérange. Mélange de rhum pis le coke, on finit grumpy broke. On évite plein de femmes, pis on s'arrange pour que leur chum choke. T'as pas le choix, sleep over. J'ai l'air climatisé. Pêche et charnel, c'est pas pour moi, j'suis même pas baptisé. On multiplie le nombre de cocus. Parce qu'on danse bien, on met nos vieilles capotes à l'envers. Fait qu'on dépense rien. Chaud, pas moyen d'écrire quelque chose de cohérent. L'été, pas le choix, l'alcool, on en est tolérant. À côté de nous, pour graver des as, n'importe quel goéland. On prend les plages d'assaut comme une horde de goéland. Amener l'alcool, on fournit les parasols. On est sobre tout l'hiver. C'est ironique, ça se compare à sol. Y'a un dress code, mais pour filles seulement. La devise, c'est de montrer plus de peau, puis moins de vêtements. Honnêtement, on saoule les plus cute pour se les guests. Sinon, c'est rare qu'on se fait check, puis on les drop dès que c'est sec. Tourne de bord, claque ses fesses, va te laver, puis trouve ton mec. Dis à l'autre que je suis prêt, c'est à son tour. Donne-moi 2 minutes pour changer les draps qu'on tourne. Qu'on fourre une après l'autre, non-stop, on en a encore pour 2-3 bonjours. Dans le fond, front on front, mais on se met pas souvent. Un jour, on pète notre coche, puis on rappe un couvent. Une fois les vierges initiées, on disparaît dans un coup de vent courant. On leur a laissé notre numéro, puis c'est claque qui rappelle tout. Quelque chose de cohérent, l'été, pas le choix, l'alcool, on en est tolérant. À côté de nous, pour graver des as, n'importe quel goéland. On prend les plages d'assaut comme une horde de goéland. C'est clair qu'on râle, plus qu'on pèse, puis qu'on parle, plus qu'on baise. Notre talent, c'est le rap, pas de maquiller des chicks qu'on sait. J'travaille à plein temps, mais j'ai pas plus d'argent. J'chill dans mon salon, j'préfère l'air climatisé au soleil plombant. Que je sois sobre ou sous, je suis content. L'important c'est le bon temps. On front au début, puis à faire ce qu'on fait. Se mettre d'un bout à l'autre, la track, y'a pas doute qu'on fesse. Il fait trop chaud, pas moyen d'écrire quelque chose de cohérent. L'été, pas le choix, l'alcool, on en est tolérant. À côté de nous, pour graver des as, n'importe quel goéland. On prend les plages d'assaut comme une horde de goéland. Il fait trop chaud, pas moyen d'écrire quelque chose de cohérent. L'été, pas le choix, l'alcool, on en est tolérant. À côté de nous pour graver des as, n'importe quel.